dans les tunnels. Nous foncions plus que nous roulions dans mon chariot brinque-ballant. Les rats passaient dans différents tunnels parallèles pour tenter de nous devancer. Mais nous connaissions les lieux mieux qu'eux. Certains prenaient en réalité des raccourcis vers le piège que nous leur avions confectionné. Amoureusement. Waouh, c'est trop bien! Bravo Mila, tout marche comme prévu! Et alors, vous avez douté de moi un seul instant? Je suis la fille des grands dirigeants, non? Plus pour longtemps! Quoi? J'ai freiné à coup sec. Mais le chariot ne s'arrêtait pas. Trois rats, visiblement plus malins que les autres, avaient réussi à nous devancer et nous attendaient, grognant quelques mètres plus loin. Ils nous barraient le passage. Des rats? Comment ils sont? Bouze! À droite! C'est le seul tunnel que je vois! Quoi? Oh non! C'était la seule sortie. Quelques mètres entre les rats et nous, un tunnel descendait. Un tunnel fermé par une vieille barrière. C'est un tunnel pour acheminer des marchandises, Quick. Je l'ai vu dans un documentaire. Ils avaient mis une caméra embarquée pour montrer à quel point ça allait vite. Hé hey, on connaît, nous. On regardait pas ça à la télé assis confortablement sur un divan. Bouze, l'échangeur. Sans problème. Le chariot ralentissait jusqu'à l'échangeur. Jusque-là, les rats souriaient. Et le chariot est parti d'un coup sec lorsque Bouze s'est penché pour pousser la manette de l'échangeur. Ta ceinture, Mila! Non, Squeak! Ta ceinture! Non, plutôt me faire croquer par un rat! Et tout en parlant, Mila s'enroula la ceinture autour de la taille. Son dos était maintenant attaché à la paroi du chariot. Bouze fit de même. On est parti! Hé, les rats! Vous nous suivez? Oui! J'ai poussé le levier de vitesse. Oui! Le tunnel des marchandises. Il en existe plusieurs sortes, se menant au sous-sol de Wish City et ceux de moins en moins utilisés par les gnomes qui font la jonction entre diverses galeries. Dans les deux cas, aucun Baefwish n'a vraiment intérêt à les emprunter. Seuls les chariots sans passagers arrivaient à destination. Ça descend trop vite! Ferme les yeux! C'est ce qu'elle fait! Bouze, ils sont toujours derrière nous! Oui, oui, plus que jamais! Les trois rats étaient eux aussi engagés dans la pente. J'ai tourné légèrement la tête. L'un d'eux trébucha, roula en boule, et dévala la pente plus vite que ses congénères. Si vite en réalité qu'il arriva à notre niveau et nous dépassa même. Seulement, l'une de ses griffes réussit à s'accrocher au chariot. Merde! Bouze, je peux rien faire! Je me détache! Fais attention, on descend toujours! Je sais, je sais! Bouze ôta sa ceinture et s'accrochant au bord du chariot, prit une pioche avant de me rejoindre en commande. Il est où? Juste près de la roue avant droite! Sa deuxième patte grimpa jusqu'au bord du chariot, presque au niveau de mon coude. Je viens d'ouvrir les yeux! Dégage! Bouze frappa un grand coup de pioche sur le crâne du rat. Bouze, accroche-toi, vite! Oh oh! Il se roula sur sa ceinture et s'accrocha. La pente devint montée et le chariot fila sur les rails comme une balle. Le tunnel devenait tortueux. Le rail allait sur les parois, partait sur les plafonds, si bien que nous nous sommes retrouvés la tête en bas, puis revenu sur le sol. Nous perdions de la vitesse. On arrive près des chutes! Ah ouais? Trop chouette! Ils sont toujours derrière nous? Ouais! Bouze, le mécanisme de l'entrée des chutes, c'est avec une pioche que tu l'actionnes! Bouze s'est penché pour prendre une pioche au fond du chariot. Nous approchions les chutes. Je les apercevais à l'entrée du tunnel, bleutées, claires et limpides. Les rats se rapprochaient. Ils arrivent! Les rats se rapprochaient. Nous approchions les chutes. Bouze a levé la pioche en l'air, sur les parois. Près de l'entrée, il y avait juste un bout de métal à ôter pour que tout s'effondre. Juste un coup de pioche à donner, mais les rats se rapprochaient.